21 décembre dernier, elle ne faisait qu'une, juste au-dessus de la ligne d'horizon. Cette étoile de Noël, ou grande conjonction, donne aux deux planètes géantes de notre système solaire tous les 20 ans une brillance maximum. Et ce rapprochement dans le ciel nocturne a souvent été lié dans diverses croyances à un moment de grand changement ou de grand bouleversement. Pas d'astrologie, malheureusement, au programme de cette émission ou de prédictions sur les grands bouleversements à venir en 2021. En revanche, nous allons en profiter pour nous intéresser à ces deux planètes géantes, Jupiter et Saturne, aux liens étroits qu'elles entretiennent et à la façon dont elles ont contribué à forger notre système solaire. Jupiter et Saturne, le bal des géantes, c'est le programme gazeux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette émission Double Date, où l'on va s'intéresser aux liens fondamentaux qui unissent donc nos deux planètes géantes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Guerlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de Sorbonne Université. Et Tristan Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de la mission Juno. Mais on commence par la grande conjonction quotidienne de toute l'actualité scientifique qui n'a jamais été aussi proche de vous. Chaque jour dans le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Science, à l'avenir, le Covid-19 pourrait finir par ressembler à un vulgaire rhume. Oui, dans quelques années, le SARS-CoV-2 ne pourrait causer qu'un simple rhume, à l'instar des autres coronavirus. Alors pour cette étude de modélisation, une équipe américaine s'est basée sur des données immunologiques et épidémiologiques de 6 coronavirus humains, 4 courants qui causent le rhume, et les virus du SARS et du MERS. Alors contrairement au SARS et au MERS, qui ne se sont pas propagés sur toute la planète, la trajectoire de ce nouveau coronavirus sera probablement similaire à celle de ses homologues. Alors selon les chercheurs, il est peu probable que l'on parvienne à l'éradiquer un jour, même avec des vaccins. D'après leur modélisation, le Covid-19 va devenir une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle va s'installer durablement, mais elle sera une maladie bénigne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la population mondiale développera des défenses efficaces, suite à une infection ou grâce à la vaccination, le virus va s'affaiblir. Et une fois que cet état d'équilibre endémique sera atteint, le taux de mortalité du SARS-CoV-2 passera en dessous de celui de la grippe saisonnière. Alors quand atteindrons-nous cet état? Tout dépendra de la rapidité de la propagation du virus et des campagnes de vaccination. Et on retrouve toutes les études, comme toujours, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Hier, le groupe Sanofi a confirmé qu'il allait supprimer 1700 emplois en Europe. En Europe, ouais, dont 1 millier de postes en France sur 3 ans. Alors pourtant bénéficiaire, le groupe pharmaceutique français cherche à faire des économies dans sa branche recherche et développement. Le laboratoire devrait supprimer 400 postes de chercheurs en France. Les syndicats dénoncent 15 années de plans sociaux consécutifs qui ruinent la faculté d'innovation française. Rappelons que le vaccin de Sanofi contre le SARS-CoV-2 ne sera pas prêt avant la fin 2021. Ce mardi, les syndicats ont appelé les salariés du groupe à faire grève. Le Haut Conseil de la Santé publique a publié hier de nouvelles recommandations sanitaires face aux variants plus contagieux du SARS-CoV-2. Oui, il recommande de porter un masque en tissu réutilisable de catégorie 1, de favoriser ces masques-là plutôt que ceux de catégorie 2 ou plutôt que les masques textiles créés de façon artisanale. Ils sont moins filtrants et sont donc moins efficaces contre le virus. Et autre recommandation, assurer une distanciation physique non plus de 1 mètre, mais de 2 mètres minimum de distance. Et enfin, dans une étude parue hier dans Nature, les chercheurs ont séquencé le plus grand génome du monde animal. Il s'agit du génome d'un ancien poisson, le Dipneust d'Australie, le Neoceratodus forsteri, un poisson doté d'un poumon. Cette espèce possède un génome qui mesure 43 milliards de paires de bases. C'est 14 fois plus grand que le génome humain. Alors 43 milliards, on peut imaginer la puissance de calcul nécessaire pour ce séquençage. Il a fallu 100 000 heures de puissance de traitement informatique. Le Dipneust d'Australie aurait donné naissance à tous les vertébrés terrestres, y compris les humains. Ce génome géant nous permet donc de mieux comprendre la conquête des terres par les vertébrés aquatiques. parler du génome géant, on va passer aux planètes géantes. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Vous avez certainement entendu que la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, visible à l'horizon le 21 décembre dernier, était un événement unique, du jamais vu, a-t-on entendu donc depuis le Moyen-Âge, depuis le 4 mars 1226 précisément, année où Louis IX devint roi de France et où Gengis Khan écumait l'Asie. Alors c'est partiellement vrai, mais désolé de vous le dire, c'est en partie faux également, puisque ces conjonctions entre Jupiter et Saturne, l'alignement, c'est-à-dire on parle de l'alignement des deux planètes vues depuis la Terre, et bien ces conjonctions ont lieu en fait tous les 20 ans. Mais il est vrai que pour retrouver une configuration qui soit aussi claire et aussi visible à la nuit, il fallait remonter à cette date médiévale ou antédiluvienne, pourrait-on presque dire. Il faut dire que les deux géantes, contrairement aux planètes suivantes, Neptune et Uranus, se sont connues depuis la nuit des temps, qu'elles fascinent autant qu'elles marquent à mesure des progrès de l'astronomie des gradients de connaissance de notre système solaire. Ainsi en va-t-il de Galilée qui, grâce à sa lunette, va non seulement découvrir plusieurs lunes, à la première à Jupiter, mais aussi les anneaux de la seconde Saturne. Retour à ce que l'on disait de ces planètes en 1975 dans l'émission La Science en Marche sur France Culture. Grande question maintenant que je suis sûr beaucoup de nos auditeurs pourraient se poser. Pourquoi s'intéresser à ces objets? Pourquoi s'intéresser à ces planètes joviennes? Bien parce qu'elles sont très vraisemblablement les vestiges de la nébuleuse primitive dont est issu le Soleil. C'est-à-dire qu'elles représentent, et c'est surtout vrai pour Jupiter et Saturne, au fond un produit de condensation de la nébuleuse à une température très basse, c'est-à-dire que les éléments volatiles ne s'en sont pas échappés comme c'était le cas sur Terre. Mais cela, c'est un effet fondamental, mais c'est un point commun, si je ne me trompe, qu'elles ont avec nos planètes terrestres. Oui, mais les planètes joviennes ont un autre aspect intéressant, c'est qu'on peut un peu dire d'elles que ce sont des étoiles ratées. Car en effet, ce sont de très grosses masses, comme on l'a vu, elles ont une composition chimique qui est un peu celle des étoiles, et finalement, si ce n'était de leur masse insuffisante, elles auraient pu donner naissance à un petit soleil. Vous venez de dire un mot que je n'entendais pas dire il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Des étoiles ratées. Des étoiles ratées, donc, pour parler de Jupiter et Saturne. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Sandrine Garlet? Oui, c'est un petit peu négatif, quand même. Mais en effet, c'est très intéressant. Et si je peux rebondir sur la remarque, en effet, il y a une grande différence entre les atmosphères de la Terre ou de Mars et celles des planètes géantes, puisque celles de la Terre et de Mars, les atmosphères ne se sont pas formées en même temps que le reste de la planète. En fait, les atmosphères de la Terre ou de Mars se sont formées plus tardivement, alors que celles de Jupiter et Saturne se sont formées vraiment dans le tout début de la formation du système solaire et sont en effet les témoins de cette formation et étudier les atmosphères. Alors, ça a un intérêt pour le côté, par exemple, météorologie de ces planètes, mais ça a un intérêt aussi astrophysique pour remonter aux origines du système solaire. Donc l'intérêt d'étudier ces planètes, il est vraiment double. Mmh. On va remonter évidemment jusqu'aux origines et on va voir un peu comment se sont formées ces planètes. Peut-être un mot, Tristan Guillot, avant cela, à propos de cette archive et de cette qualification d'étoile ratée qui a eu cours pendant assez longtemps, puisque c'est vrai que après tout, Jupiter et Saturne sont essentiellement composés d'hydrogène et d'hélium comme le Soleil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un point très intéressant. Comme le disait Sandrine, ce sont vraiment des témoins de la formation du système solaire. C'est ce qui était dit dans l'archive aussi. Alors, étoile ratée, maintenant, on le voit un petit peu différemment parce qu'on pense qu'elles se sont formées comme des planètes, c'est-à-dire autour du Soleil, dans ce disque qui a donné naissance à la fois au Soleil et aux planètes, alors que pour former des étoiles, il faut avoir une masse beaucoup plus importante et on va allumer, amorcer des réactions thermonucléaires pour des objets qui sont beaucoup plus massifs, environ 80 fois la masse de notre Jupiter. Voilà, on est vraiment quand même en présence de réelles planètes. Ce sont des objets qui ne sont pas des étoiles, mais qui vont nous apprendre sur la formation de tout notre système solaire. Oui, on a longtemps pensé, comme on l'a dit et comme vous le laissiez entendre, Sandrine Guerlet, que cette configuration, c'est-à-dire finalement cette place dans notre système solaire avec les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes rocheuses d'un côté, les planètes géantes, gazeuses de l'autre. C'est une place qui a existé de tout temps, que les planètes s'étaient formées à cet endroit-là. Or, on s'est rendu compte, et notamment depuis la découverte d'exoplanètes au milieu des années 90, que cette conformation de notre système solaire, elle était assez inédite, en quelque sorte, Sandrine Garlet. Oui, c'est ça. Il y avait des travaux de recherche en parallèle, donc soit des équipes qui cherchaient à modéliser la formation du système solaire, et puis en parallèle, d'autres équipes qui commençaient à observer d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et l'un comme l'autre, ces modèles ne fonctionnaient pas pour expliquer ni notre système solaire, ni les observations des exoplanètes. Donc ce qui se passait, enfin ce qui ne fonctionnait pas dans ces modèles, c'était d'essayer de former Jupiter et Saturne suffisamment rapidement. C'est-à-dire que pour que ces planètes deviennent des géantes gazeuses, il faut qu'elles aient accrété beaucoup du gaz primitif de la nébuleuse protosolaire. Et ce gaz, on sait qu'il s'est dissipé assez rapidement, entre guillemets, au bout de 10 millions d'années. 10 millions d'années, c'est une longue période de temps, mais ça reste court par rapport à l'âge du système solaire. Donc il fallait trouver un scénario de formation qui soit très efficace pour former ces planètes géantes gazeuses. Et puis, par ailleurs, comme je le disais en parallèle, il y avait ces observations autour de beaucoup d'étoiles, de planètes qu'on appelait des Jupiter chauds. C'est-à-dire c'est des planètes géantes gazeuses, même plus massives que Jupiter, mais situées très très proches de leur étoile. Et donc, ça correspond pas à notre connaissance qu'on avait avant, qui était d'avoir des planètes géantes loin de leur étoile, comme dans notre système solaire. Est-ce que ça signifie, Tristan Guillot, que ces deux géantes, Jupiter et Saturne, elles sont assez iconoclastes par rapport à ce que l'on connaît des autres systèmes exoplanétaires ? Alors, c'est un petit peu difficile à dire encore, parce que c'est quand même très difficile de détecter des planètes qui sont à cette distance de leur étoile. On sait qu'on a beaucoup de systèmes très différents de notre système solaire. Et donc, le premier qui a été découvert autour d'une étoile comme le Soleil, hein, qui a été découvert par Michel Mayor et Didier Queloz en 95, et qu'ils ont eu le prix Nobel depuis l'an dernier, c'est un système avec une planète qui fait entre la masse de Jupiter et celle de Saturne. Et au lieu de faire une révolution autour de son étoile en 10 ans, comme Jupiter autour du Soleil, elle ne met que 4 jours. Donc elle est extrêmement proche de son étoile, beaucoup plus proche que Mercure. Et ça, c'est vrai que ça a été une révolution. On se disait, on avait un système solaire en tête, un exemple. On se disait, les planètes telluriques, c'est près de l'étoile, et puis les planètes géantes, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour les trouver, pour qu'elles fassent une révolution autour de leur étoile. Et on a découvert que c'était pas le cas. Et du coup, ça nous a amené à revoir, en fait, la formation de notre système solaire aussi, et à se rendre compte que ces planètes-là, elles n'étaient pas toujours restées au même endroit. Elles ont migré au cours de juste après leur formation et après cette phase de disque de gaz autour de l'étoile qui était en train de se former. Et on va revenir au cours de cette émission sur la formation du système solaire. On va voir qu'effectivement, il y a eu une sorte de grand jeu de billard planétaire pour que les planètes finissent par se retrouver à l'endroit où nous les observons aujourd'hui. Mais avant cela, on va revenir sur cet événement du 21 décembre et sur cette grande conjonction. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de Jupiter et Saturne, de ce duo de planètes géantes gazeuses dans notre système et de leurs interactions. Nous en parlons avec Sandrine Garlet et Tristan Guillot. Peut-être qu'on peut faire rapidement, avant d'entendre le reportage d'Antoine Beauchamp sur la grande conjonction en elle-même, une petite carte d'identité de Jupiter et de Saturne. Je vous laisse commencer avec Jupiter. Tristan Guillot, qu'est-ce qu'on peut dire exactement, donner quelques éléments de repère pour caractériser cette planète? Alors Jupiter, c'est une planète géante. On dit géante parce que c'est 300 fois la masse de la Terre. C'est vraiment conséquent. Et en volume, c'est 10 fois le diamètre de la Terre, donc 1000 fois le volume de la Terre. Donc il faut se rendre compte que Jupiter, c'est énorme. La Terre tiendrait dans la grande tache rouge qui est un grand anticyclone de Jupiter. Et c'est une planète qui est faite essentiellement donc, d'hydrogène et d'hélium, donc assez similaire à la composition du Soleil, mais elle est beaucoup moins massive que le Soleil, c'est 1/1000 de la masse du Soleil. Cette masse, elle tient ensemble grâce à la gravité du tout, et l'atmosphère est assez froide, et au fur et à mesure qu'on pénètre à l'intérieur, on devient de plus en plus dense, on passe d'un état gazeux à quelque chose qui est beaucoup plus similaire à un liquide, donc qui va être un liquide à haute pression et chaud. Donc on a des températures qui sont de l'ordre de moins 100 degrés dans l'atmosphère, et on va monter à des milliers de degrés, jusqu'à une vingtaine de milliers de degrés au centre de Jupiter. Et au centre, on pense qu'il y a un noyau qui est fait de matériaux plus denses, semblable sans doute aux roches de la Terre qui sont à très haute pression, avec peut-être aussi de l'eau et ce qu'on appelle des glaces, mais qui sont à haute pression et haute température. Le temps de révolution autour du Soleil, donc on l'a dit, c'est une dizaine d'années ? Oui, une dizaine d'années, et c'est une planète qui tourne aussi vite sur elle-même, puisqu'elle tourne sur elle-même en 10 heures, et donc elle est un petit peu aplatie. Et c'est une planète qui a d'énormes tempêtes, des tourbillons et donc des nuages qui se forment dans cette atmosphère et qu'on peut vraiment maintenant caractériser de façon très nette, notamment grâce à la sonde Juno dont on discutera un peu après. Bien sûr. La composition, l'a dit, essentiellement hydrogène et hélium, mais dans l'atmosphère de Jupiter, néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup d'autres gaz, des gaz qu'on sait caractériser très, très bien aujourd'hui, Tristan Guillot. Oui, alors il y a du méthane, par exemple, et puis on a des gaz qui condensent, donc on a l'ammoniac, qui c'est NH3 de composition, donc qui forme des nuages, qui forment sans doute une partie des nuages qu'on voit dans Jupiter. On a d'autres composants, donc de l'hydrosulfure d'ammonium, un peu plus bas, et puis quand on pénètre plus en profondeur, on a l'eau qui condense, qui doit former des nuages qu'on ne voit pas directement parce qu'ils sont cachés par les nuages qui sont au-dessus, mais qui sont très importants parce que c'est eux qui vont générer des tempêtes qu'on observe sur Jupiter. Sandrine Guerlet, à vous pour faire la carte d'identité de Saturne. Oui, eh bien c'est très simple. On peut dire que Saturne, c'est un peu la petite sœur de Jupiter. Donc, on peut reprendre quasiment tous les éléments que Tristan mentionnait. Donc, elle est un petit peu plus petite. Là où Jupiter fait 11 fois le rayon de la Terre, Saturne fait 9 fois le rayon de la Terre. Elle est plus éloignée du Soleil, 2 fois plus éloignée. Et elle fait une révolution complète autour du Soleil en 30 ans. Donc, ça commence à être assez long. Là où il y a une petite différence, je dirais, c'est sur les effets saisonniers, puisque l'axe de rotation de Saturne, il est incliné comme la Terre, donc entre 26 et 27 degrés, ce qui lui confère des saisons très longues, mais assez marquées. Elle tourne vite sur elle-même également, la composition est très similaire. D'apparence, Saturne a un aspect, les nuages, etc., sont un petit peu moins spectaculaires sur Saturne parce qu'elle a un voile de brume un tout petit peu plus opaque que Jupiter, mais sinon, en dessous de ce voile de brume, la circulation, les vents, les tempêtes sont tout aussi présentes que sur Jupiter. Et Saturne est également beaucoup moins dense que Jupiter. Saturne, on aime bien en général donner cette anecdote qui est que si on mettait Saturne flotterait sur de l'eau. Flotterait dans l'eau, exactement. Ouais. Et comme elle est moins dense et qu'elle tourne très vite également avec une période de rotation un petit peu moins de 10 heures, eh bien elle est beaucoup plus aplatie. On le voit même quand vous voyez une image de Saturne, elle est vraiment aplatie de manière vraiment marquée. Il y a une différence de 10% entre le rayon, si on définit le rayon équatorial ou le rayon polaire, il y a vraiment une différence de 10% entre les deux. Et puis bien sûr, j'avais oublié de le mentionner, mais faut-il le mentionner que Saturne a aussi un système d'anneaux remarquable. Alors les quatre planètes géantes en ont, mais celui de Saturne est vraiment voilà, fait le joyau du système solaire. C'est comme ça. On dit parfois. On peut le dire tout de suite d'ailleurs. Ce qui est amusant avec ces anneaux de Saturne, c'est que nous avons la chance de les voir nous en ce moment, mais qu'ils ne sont pas là depuis très longtemps et ils ne vont pas rester très longtemps à l'échelle de la longévité du système solaire. Oui, c'est ça. Alors c'est encore une question, je dirais, pas complètement tranchée sur l'âge des anneaux de Saturne. C'est très compliqué à déterminer. Mais en effet, il y aurait un lien entre donc les satellites naturels de Saturne qui sont les enfants des anneaux. Enfin, il y a un lien de parenté entre eux aussi les satellites et les anneaux. Donc les satellites se détruisent et les débris forment les anneaux, etc. Mais c'est cet âge, moi, je ne me prononcerai pas parce que je sais que certains collègues ne sont pas d'accord. Mais toujours est-il que les anneaux ont une certaine durée de vie limitée, mais est-ce que c'est récent ou plus vieux, c'est encore un débat ouvert. On va vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée à Saturne. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors, le 21 décembre dernier, donc, dans notre ciel nocturne, c'était cette fameuse grande conjonction. Pas toujours évident de percevoir le ciel nocturne avec la météo hivernale qui plus est, et la couche de nuages tenace qui nous sert de couvercle depuis 3 mois. Mais Antoine Beauchamp, malin que vous avez trouvé une astuce pour observer ce phénomène. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et je suis allé à la rencontre de François Collat, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. François Collat m'a montré les images de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter qu'il a pu prendre. Il nous décrit le phénomène qui conduit à cette conjonction et nous raconte le rôle qu'a eu la compréhension de cette conjonction dans l'histoire de l'astronomie. Le 21 décembre, on a eu la chance de voir une conjonction entre Jupiter et Saturne. C'est un phénomène qui n'arrive pas très souvent, parce qu'en fait, Jupiter et Saturne tournent très lentement. En gros, ça arrive à peu près tous les 20 ans. Vous avez été plus malin que tout le monde, puisque le 21 décembre au soir à Paris, il faisait pas beau. Vous avez pu observer cette conjonction, ce rapprochement en tout cas, jusqu'au point le plus proche, quelques jours avant. Est-ce que vous pourriez me décrire les images qu'on est en train de regarder là ? Oui, donc en fait la veille il faisait beau et ce qui se passe c'est que c'est les planètes en fait elles bougent très lentement. Hein. Jupiter ça met 10 ans pour faire un tour, ça met 12 ans pour tourner autour du Soleil. Donc en fait d'une journée à l'autre ça bouge très peu et Saturne c'est encore plus loin, ça bouge encore plus lentement. Donc en fait cet événement, il y avait évidemment le rapprochement le 21 décembre, mais deux jours avant c'était très très très semblable. Et donc après le problème c'est la météo. Donc là c'est une image que j'ai faite là juste 2 jours avant. C'était bas sur l'horizon, donc l'idée c'était d'avoir un joli fond. Donc je suis allé sur les quais de Seine pour avoir en fait la Tour Eiffel en fond d'image. Hein. Donc l'image là on voit à l'intérieur de la Tour Eiffel, donc sous les deux grands pieds de la Tour Eiffel, on voit Jupiter et puis des satellites et puis Saturne qui est un peu allongé. Alors c'est le truc, c'est fait avec un appareil photo, donc c'est pas fait avec un télescope. Donc on voit pas Jupiter ou Saturne qu'on pourrait le voir avec un gros télescope, mais c'est rigolo. Alors pourquoi ce phénomène de conjonction est rare ? Alors ce phénomène est rare et pas rare à la fois. C'est-à-dire que Jupiter tourne autour du Soleil en 12 ans et Saturne en 30 ans. Voilà. Donc en gros, tous les 20 ans, ils se retrouvent à peu près au même endroit. Et donc tous les 20 ans, il y a une conjonction comme ça de Jupiter et de Saturne. Alors, ce qui se passe en plus, c'est que on a l'habitude de dire que toutes les planètes tournent dans le même plan, hein, c'est dans le système solaire, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a des petits angles en fait, hein, donc ça fait 1 degré, 2 degrés comme ça pour Jupiter et Saturne. Ce qui fait que ces conjonctions qui ont lieu tous les 20 ans, ben parfois elles sont plus ou moins loin en fait. Elles peuvent être à 1 degré ou 2 degrés, et là elles étaient juste à quelques minutes d'arc en fait. Donc à l'échelle de la taille, c'est-à-dire ça peut faire plusieurs fois le diamètre de la Lune par exemple, si on n'a pas de chance. Et là, c'était beaucoup beaucoup plus petit que le diamètre de la Lune par exemple. Donc en fait, on voyait vraiment 2 petits points, et ça arrive pas très souvent en fait. Est-ce qu'on sait quand aura lieu la prochaine ? J'imagine que oui, il y a déjà des estimations, mais une telle conjonction comme celle qui vient de se produire. Donc la prochaine, c'est dans 20 ans, c'est facile. Et après, la prochaine assez proche, c'est en 2080. Donc là, il y aura une sera un petit peu moins proche, mais quasiment pareil. Donc c'est des choses qui arrivent pas très très souvent. Alors ce qui est marrant, c'est que historiquement, c'est quelque chose qui est important parce que d'un point de vue mécanique céleste, hein, les orbites en fait de Jupiter et de Saturne sont ce qu'on appelle en fait en résonance, c'est-à-dire que quand Saturne fait un tour, Jupiter en fait 2,5. Exactement. Et donc, ça crée en fait des perturbations dans les orbites de ces deux planètes. Et c'est quelque chose qui a été un des grands problèmes en fait de la mécanique céleste. Donc, il y a plusieurs siècles et jusqu'à pas très très longtemps en fait, parce que au moment de Newton, par exemple, on connaissait pas la masse des planètes et on pensait qu'il y avait le Soleil au milieu, puis les planètes avaient des masses négligeables et tournaient autour du Soleil. Et là, en fait, avec ces deux planètes relativement grosses qui ont des perturbations mutuelles, en fait, ça perturbait les orbites. Et à un moment, on a même pensé que les lois de la gravité étaient fausses. Parce qu'en fait, on voyait une espèce d'accélération de la vitesse orbitale de Jupiter par rapport à celle de Saturne. Il y avait Jupiter qui avait tendance à accélérer et Saturne à freiner. En fait, c'est pas vrai. En fait, ça se calcule très bien maintenant qu'on connaît les masses de ces planètes. Mais c'était un problème important de la mécanique céleste, en fait. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que on s'est servi, en fait, justement, de ces rapprochements, de ces conjonctions, et on a pu tracer ça très loin, même avant, il y a plus de 1000 ans, parce qu'en fait c'est un phénomène important, et donc les gens le notaient en fait. Et donc avec ça, on a pu quand même se servir de très vieilles observations pour voir en fait l'évolution de ces deux orbites. Et qui est-ce qui a résolu ce problème-là? C'est Laplace, c'est ça? Laplace, voilà, c'est Laplace qui a trouvé que, en fait, il a trouvé qu'en fait, il n'y avait pas de freinage de Saturne et d'accélération de Jupiter, et qu'en fait, les deux migrants axes, c'était en gros la taille des orbites était constante. Et ça, c'était important parce qu'en gros, il a démontré que le système solaire était stable, en fait, au moins pour ces planètes-là. Et donc ça, c'était vraiment c'est lui qui a trouvé ça et qui était vraiment un pas important en fait pour la science, en fait, pour la connaissance. Ouais. Voilà ce reportage d'Antoine Beauchamp autour de cette grande conjonction du 21 décembre dernier. Est-ce que vous avez pu l'observer, Sandrine Garlet? Parce qu'il ne faisait pas très beau, mais j'avais essayé aussi quelques jours avant et après, mais j'avais pas un horizon dégagé parce que c'était assez bas sur l'horizon. Et voilà, mais tant pis, c'est pas grave. Tristan Guillaume. Et malheureusement, il faisait beau la veille ou l'avant-veille, et puis ensuite on a une semaine de mauvais temps. Bon, j'ai pu quand même voir dans un télescope à la fois Jupiter et Saturne dans la même image, mais bon, elles n'étaient pas aussi proches qu'elles l'avaient été le 21 décembre. Mais c'était quand même émouvant de voir ces deux planètes, parce que on voit plein de choses. Par exemple, on pouvait voir que Saturne était beaucoup moins brillante que Jupiter, puisqu'effectivement, Jupiter étant plus proche, hein, elle est deux fois plus proche environ, elle va émettre quatre fois plus de lumière. Et puis, ce qu'on pouvait voir aussi, c'est que Jupiter était au départ plus près du Soleil, et Saturne plus loin, et puis ça s'est inversé, donc ça nous permet de voir le sens dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil. Donc c'est quelque chose d'assez émouvant. On a les très très belles photos de François Collat qui ont été postées sur notre fil Twitter, où on voit Jupiter et Saturne à travers l'ouverture de la tour Eiffel avec l'église orthodoxe en silhouette devant. Je veux dire que c'est très très joli, si vous voulez jeter un œil. Si vous l'avez raté, voilà, on vous donne l'occasion de le voir avec un peu de retard. Peut-être un mot sur cette grande conjonction, parce que donc, comme je le disais, on a entendu que c'était exceptionnel, qu'on ne l'avait pas vu depuis 1220. Néanmoins, cette grande conjonction, elle a lieu de manière régulière, tous les 20 ans, puisque comme on l'entendait dans le reportage, Jupiter et Saturne sont en résonance l'une avec l'autre. Comment se fait-il que celle de cette année était plus brillante ou plus exceptionnelle que celle d'il y a 20 ans ou de dans 20 ans, Sandrine Garlet? Oui, il me semble tout simplement, c'est aussi selon la position de la Terre sur son orbite, c'est-à-dire que vous avez l'alignement Soleil, Jupiter, Saturne qui a lieu tous les 20 ans. Et c'est visible depuis la Terre, mais si la Terre en plus se trouve pas exactement pile sur, enfin si, ouais, si on était pile sur l'alignement, si on avait Soleil, Terre, Jupiter, Saturne, c'est là où on a vraiment les distances minimales par rapport à la Terre. Il me semble que c'est ça l'explication. Cette fois, on n'était pas très très loin de ceci. Et puis les orbites de Jupiter et Saturne ne forment pas non plus tout à fait des cercles, mais des ellipses. Et de temps en temps, elles sont quand même un peu plus proches du Soleil. Et donc cette distance entre la Terre, Jupiter, Saturne, le trio, elle varie. Tous les 20 ans, on a une configuration qui fait qu'elles sont proches. Mais voilà, ça peut varier selon la position de la Terre. Tristan Guillaume. Oui, je crois que en général, en fait, elles se rapprochent, mais elles se manquent. Elles restent à une distance qui est quand même relativement grande, qui fait qu'à l'œil nu, on distingue bien les deux planètes. Alors que là, elles étaient vraiment très très proches. Alors, je l'ai pas vu moi-même, mais à l'œil nu, c'était, paraît-il, assez difficile de les distinguer. Donc, ça faisait une étoile brillante, et ça, c'est quelque chose de très rare. Alors, on peut même se demander, est-ce que il peut arriver des fois où les planètes sont tellement proches que l'une est exactement en face de l'autre, hein, que Jupiter va cacher Saturne. Et il y a des gens qui ont fait le calcul, et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, mais il faudra attendre 7000 et quelques, l'année 7000 et quelques, pour avoir ce phénomène. Nous ne serons pas là, peut-être une future émission, si la méthode scientifique poursuit d'ici 5000 ans, on pourra consacrer une prochaine émission à l'alignement parfait de ces deux géantes. On va continuer à parler de Jupiter et Saturne, on va surtout parler des rapports qu'elles ont entretenus dans le passé. Vous allez voir que ces rapports sont assez passionnants, parce que Jupiter et Saturne n'ont pas toujours été, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui, et elles sont pour beaucoup dans la forme finale revêt aujourd'hui, dans la conformation finale de notre système solaire, et certainement peut-être aussi qu'elles ne sont pas complètement étrangères à l'apparition de la vie sur Terre. Really Digging J. Christ d'Afrique sur France Culture à 16h35, toujours en soutien à la scène musicale française indépendante. Nous parlons de Jupiter et Saturne, du duo des planètes gazeuses géantes de notre système, en compagnie de Sandrine Guerlet, qui est astrophysicienne, chercheuse CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de Sorbonne Université, et Tristan Guillot, qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de la mission et du projet Juno. Alors, on va revenir à l'origine de notre système solaire, peut-être même avant la création de Jupiter et Saturne. Si on remonte, alors il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, qu'est-ce qui se passe dans la nébuleuse gazeuse? Qu'est-ce qui commence à créer ce système? Et à quel moment dans le début de la précipitation de ces gaz stellaires, eh bien, commence à apparaître ce qui va devenir Jupiter et Saturne, Sandrine Guerlet? Oui, alors tout ça est assez complexe, mais si on résume, donc au tout début de la naissance du système solaire, on a une gigantesque nébuleuse de gaz et de poussière qui, à un moment, va commencer une contraction gravitationnelle, et au centre, tout ce gaz va se concentrer et va donner naissance plus tard au Soleil. Et le reste va former un disque, puisqu'il va se mettre aussi en rotation, tout tourne autour du Soleil, même du Soleil en formation. Et dans ce disque, vous allez avoir donc les petites poussières qui vont commencer à s'agréger, former des grains de plus en plus gros, et au fur et à mesure aussi des collisions successives, vous allez avoir des embryons de planètes qui se forment. Et avant, dans le modèle un petit peu standard, on pensait que voilà, on allait avoir la formation de quelques gros embryons de planètes, avec proche du Soleil, donc des planètes telluriques qui se forment, et puis plus loin du Soleil, puisque vous avez non seulement des particules rocheuses, mais aussi beaucoup de grains de glace. Vous en avez beaucoup plus loin du Soleil, puisqu'il fait plus froid, alors que proche du Soleil, cette glace, elle se sublime. Donc loin du Soleil, vous avez des cœurs qui sont beaucoup plus massifs, des cœurs de planètes constitués de roches et de glace. Et comme ils sont plus massifs, ils peuvent aussi accréter ce qui reste du gaz de la nébuleuse primitive. Donc c'était le modèle standard, et on pensait que Jupiter et Saturne, même Uranus et Neptune, s'étaient formés ainsi, en accrétant, en faisant un effet boule de neige, en accrétant de plus en plus de gaz pour devenir ce qu'elles sont. Seulement, comme je le mentionnais au début, ce modèle standard ne fonctionnait pas parce que ces planètes mettaient trop de temps à se former et n'avaient pas le temps de devenir massives avant que le gaz ne se dissipe. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut préciser, ce que vous disiez tout à l'heure, Sandrine Guerlet, c'est que il y a une fenêtre temporelle extrêmement courte à l'échelle temporelle de la constitution du système solaire, parce que le système solaire, on le date à 4,5 milliards d'années, mais il faut dire que le nuage de gaz initial, c'est 10 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment... 10 millions d'années. Oui. Attendez, tout à fait. Donc il y a une petite fenêtre, et le modèle standard n'avait pas formé Jupiter et Saturne dans cette fenêtre-là. Oui. Attendez, qu'on se comprenne bien. Non, ce que je dis, c'est que le gaz d'hydrogène et d'hélium, c'est-à-dire le gaz proto-solaire avant la formation du système solaire, c'est 10 milliards d'années avant qu'il se condense et qu'on arrive à la création du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Oui, à l'échelle de l'âge de l'univers. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Cette nébuleuse, elle existait, et a priori, il se passait entre guillemets pas grand-chose, et on pense qu'à un moment, par exemple, l'explosion d'une supernova voisine va créer une onde de choc et va commencer à mettre en contraction cette nébuleuse. Et là, c'est le temps zéro de notre formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Exactement, voilà, très bien. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Tout va bien, donc tout est dans l'ordre. Donc on se rend bien compte que 10 millions d'années pour accréter ces planètes, ces quantités immenses... À partir de juste quelques poussières, en fait, qui vont grossir petit à petit. C'est très court. C'est relativement court. Donc la théorie qui s'est développée, notamment en France par des collègues qui sont à l'Observatoire de Nice. Alessandro Morbidelli, pour ne pas le citer, qu'on salue s'il nous écoute. Exactement. Oh là là, alors du coup, j'ai la pression. La théorie qui s'est développée, c'est le phénomène des migrations planétaires. C'est-à-dire que ces planètes n'ont pas des orbites fixes et constantes, mais tant qu'il y a encore beaucoup de gaz et de poussière, de petits planétésimaux, où on peut imaginer ça comme des petits astéroïdes un petit peu partout. Tant qu'il y a encore beaucoup de matière dans ce disque, il y a des interactions gravitationnelles entre le disque et les planètes en formation. Et ce qui fait que Jupiter et Saturne ont certainement migré plus proche du Soleil, et ce faisant, elles ont pu accréter aussi beaucoup plus de matière, grossir plus vite, parce qu'elles ramassent beaucoup de choses sur le passage, leur passage. Donc elles spiralent lentement vers le Soleil, et alors c'était très bien, ça permettait de former des planètes plus grosses, seulement, inéluctablement, elles auraient pu finir leur course trop proche du Soleil, voire même... finir dans le Soleil, en fait. Mmh. On pense que le Soleil a absorbé beaucoup de planétosimaux, de petites planètes en formation, d'ailleurs. Si je vous complète, Sandrine Gallet, sur ce modèle, effectivement, il y avait vraisemblablement un autre problème, c'est que dans ce trajet, finalement, d'approche progressive de ces planètes géantes du Soleil, eh bien, non seulement, effectivement, elles auraient pu terminer dedans, comme vous le dites, mais finalement, il n'y aurait pas eu de planète tellurique, c'est-à-dire qu'elles auraient envoyé toutes les planètes telluriques, c'est-à-dire nous, dans le Soleil. On efface, du coup, les quatre planètes rocheuses qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Un scénario extrême comme ceci est possible, et en effet, comme on le disait tout à l'heure, on observe autour d'autres étoiles dans notre galaxie des systèmes exoplanétaires où il n'y a sans doute pas de planètes telluriques comme les nôtres, où il n'y a que quelques planètes géantes gazeuses très proches de leur étoile. C'est un autre modèle possible de système planétaire. Mmh. Il n'y a pas qu'un modèle de système planétaire, en effet, c'est ce qu'on a appris ces dernières années. Et en fait, ce qui se serait passé, c'est que grâce à Saturne, Saturne aurait sauvé la mise, puisque Saturne également aurait eu des interactions avec Jupiter et aurait fait se rééloigner tout le système, les quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se seraient ensuite rééloignés du Soleil pour finir à leur position, aux positions qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a eu tout un balai planétaire. Mmh. Comment on explique ça à tout, ça aussi tous les astéroïdes, etc., se sont retrouvés dans un joli chaos dynamique. Comment on explique, Tristan Guillot, finalement, cette espèce d'effet de frein de Saturne qui aurait permis, en fait, à un moment donné, grâce à son attraction gravitationnelle, qui aurait empêché Jupiter, qui aurait eu une sorte d'effet élastique, qui aurait retiré Jupiter vers l'extérieur du système? Oui, alors évidemment, pour l'instant, cette partie-là, c'est vraiment une hypothèse, hein, un modèle théorique, mais l'idée, c'est que Jupiter, quand la planète est dans ce disque de gaz qui est en train de former aussi le Soleil, Jupiter est en train de se former et croître en même temps, elle va former un sillon dans ce disque. Ça veut dire qu'on a un endroit où il y a moins de matière, et en fait, le disque va pousser Jupiter vers le Soleil progressivement au fur et à mesure que la matière est accrétée par le Soleil. Là, Saturne, qui est plus petite, se forme et va migrer dans ce disque plus rapidement et va rejoindre Jupiter. Et ce qui va se passer, c'est que Saturne forme elle aussi un sillon, et au moment où les deux sillons de Jupiter et de Saturne se rejoignent, on va avoir un couple qui va se former dans l'autre sens, qui va faire que c'est le disque interne qui va repousser les planètes vers l'extérieur, et c'est comme ça qu'on arriverait à, selon ce modèle, à sauver le système solaire interne. Et tout ça se passe en combien de temps? Et je crois qu'à un moment donné, pour que cela fonctionne, il faut que les deux géantes se retrouvent en résonance à nombre entier. Est-ce que ça a été le cas, et pendant combien de temps, Tristan Guillot? Oui, alors c'est des choses qui doivent se passer très vite en quelques millions d'années tout au plus. Et ensuite, ce qui doit se passer, c'est que le disque de gaz s'évapore parce qu'on a un rayonnement. D'une part, il tombe dans le Soleil et puis il est évaporé par les radiations du Soleil. Et puis là, ce système va devenir un petit peu instable. On a, il faut imaginer ce système solaire très jeune où on a non seulement des planètes ou des embryons de planètes qui sont présentes, mais aussi beaucoup d'autres choses, de débris, d'astéroïdes, de comètes. Et c'est une masse conséquente. Et donc, Jupiter et Saturne et Uranus et Neptune vont éjecter, enfin vont ou se transférer ces objets-là et du coup vont bouger. En fait, c'est comme si vous étiez un petit peu sur des patins à roulettes ou des rollers et que si vous poussez quelqu'un, il y a une loi d'action-réaction et les deux personnes vont bouger en sens inverse. Donc Jupiter, quand c'est une planète massive, elle est capable d'éjecter des objets hors du système solaire, elle va avoir tendance à migrer vers le Soleil. Par contre, les autres planètes, Saturne, Uranus, Neptune, qui ne sont pas assez massives pour éjecter en général des objets hors du système solaire, vont en fait les transmettre à Jupiter et donc, par cette loi d'action-réaction, vont bouger vers l'extérieur. Donc, on va avoir cette phase où le système solaire passe de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui étaient dans un système beaucoup plus compact, va s'étendre. Et ce qui est très impressionnant dans ce qu'on appelle maintenant le modèle de Nice, qui a été fait par Alessandro Morbidelli et des collègues qui étaient présents en 2005 à l'observatoire de Nice ici, c'est que on arrive comme ça à reproduire les orbites non seulement des planètes actuelles, mais des objets plus lointains du système solaire, ce qu'on appelle les objets de Kuiper au-delà de l'orbite. Oui. J'ai lu également, on en a parlé d'ailleurs dans le journal des sciences, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, que une hypothèse assez récente indiquerait que dans ce grand tac, dans ce modèle de Nice, il y aurait eu la possibilité aussi de l'éjection d'une autre planète géante qui aurait été là, qui du coup, elle aurait été littéralement éjectée de notre système solaire. Et aujourd'hui, quel est le degré de certitude de cette hypothèse, ou qu'est-ce qu'on peut en dire, Tristan Guillot? Oui, alors on est en train de rechercher cette planète neuf. Il y a des chercheurs à Caltech notamment qui ont, en regardant les orbites de ces objets très transneptuniens très lointains, ont mesuré un alignement préférentiel de certaines orbites et ont déduit la présence d'un corps qui perturberait ses orbites et les alignerait. Et ce serait une planète qui ferait environ 5 à 10 fois la masse de la Terre. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est prévu, est possible dans ces scénarios de formation du système solaire où on va former des embryons de planètes qui ne vont pas tous survivre. Certains vont être complètement éjectés du système solaire d'autres vont être pas tout à fait éjectés parce qu'on a des marées galactiques qui vont intervenir et peuvent être stockés donc dans ce qu'on appelle le nuage de Oort. Alors c'est quelque chose qui est pour lequel il y a des recherches observationnelles, mais c'est vraiment très difficile à détecter parce qu'une planète qui est à plusieurs centaines d'unités astronomiques, même si elle fait 5 fois la masse de la Terre et peut-être donc quelques fois le rayon de la Terre, évidemment comme elle est très loin, elle est très très sombre, donc et puis on sait pas exactement où elle est. Oui. Donc c'est très difficile à détecter. C'est certainement une période de révolution très très longue aussi, donc difficile de savoir vers où pointer un télescope. Sandrine Guerlet, sur ces différentes hypothèses, sur les peut-être de l'éjection d'une planète géante, soit en position neuve très lointaine, soit même une éjection complète de notre système solaire. Est-ce que vous avez des informations ou des commentaires à faire? Sur l'éjection complète du système solaire, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à tester. Ce qui est intéressant aussi quand on développe des théories scientifiques, c'est quelle manière on a de valider ces théories. C'est pour ça que les recherches observationnelles de cette planète neuve sont vraiment très importantes. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Tristan. Ça peut paraître contre-intuitif qu'on soit capable de découvrir des planètes extrasolaires situées à des années-lumière et que ce soit très difficile de trouver cette planète neuve qui sera aux confins de notre propre système solaire, mais en effet, comme l'a très bien expliqué Tristan, ce serait une planète très, très, très sombre et donc très difficile C'est très difficile de capter sa lumière pour un télescope. Mais, donc voilà, on attend normalement, d'après les balayages, les cartographies du ciel qui sont faites, on devrait être en mesure de la trouver dans un futur très proche, si elle existe. On avait consacré déjà une émission à cette fameuse planète X ou planète 9. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le lien qui continue d'unir Jupiter et Saturne? Est-ce que leurs places sont aujourd'hui totalement fixes, totalement immobiles, ou est-ce qu'elles peuvent continuer à évoluer au long cours, Tristan Guillot? Oui, alors ce qui se passe, c'est que évidemment leur place n'est pas complètement fixe, mais enfin maintenant il y a très peu de masse qui reste dans le système solaire. Tout a été nettoyé par ces planètes, et donc Jupiter va bouger un tout petit peu quand elle va éjecter une comète du système solaire, hein, ce qui arrive encore de nos jours, mais c'est vraiment extrêmement peu. Donc là, on peut considérer que leur orbite est fixe. Allez-y, je vous en prie. Oui, et donc par contre, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est maintenant d'arriver à caractériser Jupiter et Saturne et comprendre un petit peu leurs similitudes et leurs différences, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé lors de la formation du système solaire. Parce que comme on le disait, ce sont vraiment des témoins de leur formation, et donc de la formation de tout le système, et ce qu'on va chercher à savoir, c'est la composition vraiment de ces planètes. Alors pour ça, il y a plusieurs missions. Il y a la mission Juno qui est toujours en cours. Il va y avoir d'autres missions à destination des lunes glacées de Jupiter, mais qui va aussi s'intéresser un peu à Jupiter, la mission JUICE. Il y a eu la mission Cassini-Huygens, dont nous avions suivi ici même la fin avec la plongée dans l'atmosphère de Saturne. Que peut-on dire? Quelles sont les dernières informations dont on dispose précisément pour renseigner ces tout débuts du système solaire, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, Tristan Guillot, les atmosphères de Jupiter et de Saturne sont apparaissent extrêmement tôt pour les raisons que vous avez pu évoquer, et donc sont vraiment des traces de ce que pouvait être notre nuage, notre disque protoplanétaire il y a 4,5 milliards d'années. Tristan Guillot. Oui, alors y a pas mal de choses nouvelles, notamment avec Juno. L'idée, c'était vraiment d'aller à la recherche de l'eau, hein, qui est vraiment un élément très très important, un élément clé de la formation des planètes, notamment des planètes géantes. Et or, on n'a pas du tout de contraintes sur la quantité d'eau présente dans ces planètes géantes, et en général de la quantité d'éléments lourds. Donc, par exemple, dans Jupiter, il pourrait y avoir entre 10 et 40 fois la masse de la Terre en éléments lourds. Donc, vous imaginez, ça pourrait être 10 à 40 Terres qui auraient pu être formées, qui sont dans Jupiter. Donc, c'est une très grande incertitude. Donc, pour les modèles, c'est quelque chose d'important. Alors, on est arrivé à avancer sur deux choses. On est arrivé à contraindre l'abondance d'eau dans Jupiter. Alors, c'est pas une contrainte très précise pour l'instant, mais on sait qu'il y a entre 1 et 5 fois l'abondance solaire d'eau dans Jupiter. Donc, il y a plus d'oxygène dans Jupiter qu'il n'y en a dans le Soleil. Donc, c'est lié à ces mécanismes de formation. Pour Saturne, malheureusement, on n'a pas avec Cassini-Huygens, on n'avait pas les mêmes instruments et puis l'eau est caché plus en profondeur, donc on n'a pas cette contrainte, mais on est déjà arrivé à avancer là-dessus avec Juno sur Jupiter. Et puis ce qu'on est arrivé à voir, c'est que le noyau de Jupiter, donc très en profondeur, cette partie qui est faite d'éléments denses, peut-être de roches, peut-être aussi de glace, à très haute pression, très haute température, ce noyau, il n'est pas compact, et il est dilué avec l'enveloppe de la planète. Et donc, ça nous indique que peut-être il y a eu à l'origine un impact géant qui a partiellement mélangé le noyau à l'enveloppe de la planète. Donc il y a des gens qui se sont attachés à calculer des modèles où on a une planète de la masse de Uranus, 10 fois la masse de la Terre environ, qui impacte Jupiter jeune et qui ont montré que ça pouvait expliquer les observations qu'on avait pu avoir avec la sonde Juno. Ça, c'est pour Jupiter. Qu'en est-il de Saturne? Saturne, Sandrine Gerlet, il paraît que vous faites tourner des modèles, des modélisations de l'atmosphère de Saturne sur votre Amstrad, on m'a dit. Ah, ah, je sais de qui vient cette information. C'est à CPC 664 ou 6128? La question reste entière. Bon, bref, allez-y, c'est une petite plaisanterie de camarade Franck Celsis. Je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait, mais comme il m'avait prévenu, je ne suis pas trop surprise. Oui, donc, en effet, depuis la mission Cassini, qui a vraiment permis d'acquérir de nombreuses données sur les champs de température, les champs de vent, de composition dans l'atmosphère, et puis vraiment un petit peu en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on arrive à sonder quelle est la température à différents niveaux d'altitude dans l'atmosphère. On a vraiment eu, en fait, nos connaissances observationnelles ont vraiment dépassé nos connaissances au niveau de la modélisation et de la théorie. Donc ces dernières années, maintenant, on travaille plus sur développer des modèles qui sont un petit peu en retard, entre guillemets, si on fait une comparaison avec la Terre. Sur la Terre, on dispose de modèles de météo, des modèles de climat qui sont vraiment très robustes aujourd'hui. Donc dans notre laboratoire, en fait, on développe des modèles de Jupiter et Saturne à partir de modèles analogues à ceux qui sont développés sur Terre. Et du coup, aujourd'hui, sur par rapport aux informations que vient de nous donner Tristan Guillot sur la nature profonde de l'atmosphère de Saturne, puisque on parle de l'atmosphère, mais en fait, il faut bien comprendre que ni Saturne ni Jupiter n'a vraiment de surface. Enfin, en tout cas, il doit y avoir peut-être des éléments métalliques ou pseudo-solides à des très très fortes pressions, mais dont on ne peut pas vraiment parler de surface. Que sait-on exactement de ces profondeurs de Saturne aujourd'hui, Sandrine Gerlet? Ouais, c'est ça, c'est très difficile. En fait, avec des outils observationnels, entre guillemets classiques, on va pouvoir sonder quelques centaines de kilomètres au mieux de l'épaisseur, donc juste une toute petite coquille de l'atmosphère. Et on n'arrive pas à sonder, on va dire, sous les nuages. Donc pour ça, ensuite, faut faire appel soit à des mesures astucieuses du champ gravitationnel, comme ce que fait Juno et comme ce qu'a fait Cassini à la toute fin de sa mission. Donc maintenant, on a une information quand même assez capitale qu'on n'avait pas avant, grâce à Cassini et Juno. On sait jusqu'à quelle profondeur s'étendent les forts vents qu'on observe sur Jupiter et Saturne. Ça, c'est une chose. Et ensuite, concernant la composition sur Saturne, on a encore moins d'informations sur la composition, je veux dire, en profondeur sous les nuages, et notamment en oxygène et en eau. Sur Saturne, à moins d'envoyer une sonde de rentrée atmosphérique et qui va prendre des mesures in situ, ça, ce serait vraiment le Graal pour les gens qui étudient la formation planétaire. Eh bien, sans cela, on ne va pas pouvoir s'en sortir, j'ai l'impression. Eh bien, on continuera en tout cas à suivre de très près les actualités de ces deux géantes ainsi que des autres planètes de notre système solaire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de Jupiter et de Saturne et de ce bal des deux géantes. Merci Tristan Guillot, merci Sandrine Gerlet, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandre Morales, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Hélène Trigueros à la réalisation et Jérémy Kaufmann à la technique. Demain, nous parlerons de données de santé. En cette période de Covid, il paraît que ces données intéressent tout particulièrement les hackers. Alors, que faire de nos données de santé confidentielles lorsque, eh bien, il faut aller s'inscrire pour de la vaccination? On nous les demande de plus en plus sur Internet. Comment les protéger et à qui les confier? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.